devenir voyant du jour au lendemain. Car mon Charlotte qui travaille avec nous, et écoutez bien, et là c'est pas une blague, hein, c'est un petit reportage qu'elle voulait vous proposer ce matin, essayez de voir si on pouvait comme ça se faire engager comme voyant, et vous allez voir, c'est exceptionnel. Charlotte, expliquez à M. Calvi. Oui, j'ai d'abord regardé les annonces sur Internet, il y en a plusieurs dizaines, et souvent les qualités requises sont minimes, être auto-entrepreneur et avoir un téléphone fixe. Je choisis une annonce au hasard et j'appelle, et j'explique que je suis débutante dans ce domaine, je suis étudiante en histoire et je cherche à arrondir mes fins de mois. La seule qualité que je mets en avant, mon sens de l'écoute, mais à aucun moment je ne lui dis que j'ai un don, et pourtant elle me parle comme si j'étais déjà embauchée. Vos horaires sont libres et on demande un minimum de 12 heures. Donc nous, ce qu'on demande, c'est comment dire, un pseudo. On met la photo d'un mannequin. Généralement, on demande 48 heures pour pouvoir vous faire un peu de pub sur la page Facebook et sur le site. Et au bout de 48 heures, vous pouvez commencer. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Au bout de 5 minutes de conversation, ça a l'air bon, jusqu'au moment où elle décide tout de même de me faire un petit test pour vérifier mes compétences. Supposition, je suis une cliente. J'ai mon petit-fils. Est-ce que je vais le voir demain dans la journée? Il va aller faire une promenade avec ses parents l'après-midi et vous vous retrouverez en fin d'après-midi pour un apéritif et vous allez dîner ensemble. Ses parents sont divorcés. C'est la vérité en plus, que je me permets de vous dire. Il vous manque un peu d'entraînement, Sophie. Oui. Là, je crois que c'est clair. Hein, je suis complètement nulle. Attendez. Et pourtant, est-ce que vous pensez que je suis pas prête à exercer ou est-ce que... Alors, sincèrement, si, il y a un potentiel énorme. Moi, je mise sur vous. Moi, sincèrement, je suis intéressée par votre candidature. Et deux jours après, elle va recevoir un contrat. Voilà, je reçois un appel d'un autre collaborateur quelques jours plus tard. On va créer ton profil pour qu'il soit prêt. Puis je t'envoie les contrats aussi par mail. Le CIRE, on peut l'attendre, tu peux commencer en parallèle. Si tu es prête, on pourra déjà mettre ça de côté. Voilà, j'ai eu mon contrat. Voilà. Il ne manque plus que ma signature. D'ailleurs, vous pouvez voir un extrait de ce contrat sur Facebook. Donc, soyez bientôt Charlotte et le mage Calvi, puisque nous travaillons ensemble. Exactement. Et alors, je suis désolé parce que ça, on ne l'avait pas vu, mais le temps qu'on vous a fait perdre là, votre voiture est partie à la fourrière. Alors, ça, on ne l'avait pas vu avant. Salut, mon Yves. Bonne émission. Bon week-end. C'est parti. Nous sommes vendredi. Le vendredi des cas inédits, mais le vendredi, nous revenons aussi sur tout ce qui a bloqué dans la semaine. En inédit, et bravo à Charlotte pour cette enquête, déjà, il y a Eric. Je vous appelle de l'heure. Je dirige une entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel de signalétique. J'ai livré plusieurs commandes à une société de travaux publics. Je n'ai jamais été payé. On me doit 7046 euros. Nous partirons ensuite essayer d'aider Ernesto sur RTL. Je vous appelle du Portugal. Je ne touche plus ma retraite depuis le mois de juillet. On me doit 3567 euros. À partir du moment où j'ai demandé à l'administration de transférer mon dossier à mon adresse au Portugal, on me considère comme mort. Mais c'est vrai qu'à sa voix, je pense personnellement qu'il est mort. Hein. Il nous a appelé parce qu'on sent qu'il y a quand même la boîte qui a été refermée sur lui. Et on verra, mais on va vérifier. N'oubliez pas qu'il y a le toutou, le petit Napo, le labrador noir, il a tout juste un an. Il va être l'emblème de l'amour que nous avons tous, vous et moi, pour les chiens. On donne 1 euro, on donne 2 euros, on le forme. Il en faut 25 000 pour qu'il soit chien d'aveugle. On en est à 16 516, on n'est plus très loin. Merci à vous tous, continuez. Il ne faut pas donner beaucoup, c'est juste histoire de dire, c'est plus symbolique, je donne pour qu'on puisse dire comme ça, les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Et ce petit Napo va donner sa vie pour ce monsieur non-voyant. Il faut aller sur la cagnotte Le Litchi qui est en ligne sur le Facebook de l'émission. Et le titre de la cagnotte, c'est « Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL ». Ben, c'est un bon titre. On aurait appelé ça « Acheter un piano à queue à Maître Felloneau », les gens n'auraient pas compris. Nous allons donc maintenant vous présenter l'équipe. Il y a justement Maître Felloneau qui est là. Bonjour à tous. Bernard Sabat. Bonjour à tous. Merci à tous les journalistes. Il y a Céline, il y a Charlotte, il y a JB, l'équipe d'Alain Hazard, c'est Xavier Kassovitch qui réalise. Vous écoutez le 9h30-11h et d'ores et déjà, un bon week-end à tous. Pour nous joindre en direct, vous pouvez faire le 32-10. 50 centimes d'euros la minute. Ou alors, vous choisissez la gratuité totale avec le Facebook, la page Ça peut vous arriver ou RTL.fr. Julien Lepers. Alors, Eric, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour, Eric. Oui, bonjour, Julien. Bonjour, l'équipe. Vous nous appelez d'où ? D'Évreux, dans l'Eure. Alors, c'est parti. D'Évreux ? Attendez, c'est ce qu'on a entendu ? Évreux, dans l'Eure. Ah, Évreux, pardon. Faites pas des bons de joie comme ça, Bernard Sabat. Eric, allez-y. Je vous écoute, Eric. Alors, voilà, j'ai travaillé pour une entreprise de travaux publics qui est basée à Toulouse. Donc, j'ai livré différents produits, des panneaux signalétiques, des bonnets, des couteaux. Et ça fait un an que j'attends le règlement. Lorsque j'appelle pour savoir ce qu'il en est, on me dit que une fois ils attendent le règlement de chantier, que les gens sont en vacances, et j'ai fait une mise en demeure. Et depuis le 3 mois, j'ai plus du tout de nouvelles de cette société. Alors je vais vous poser les questions habituelles. La première, c'est est-ce qu'à un moment donné, mais c'est très important, il y a un texto, un mail stipulant que vous avez mal travaillé? Jamais. Rien du tout, aucun écrit. Est-ce qu'il vous l'aurait dit verbalement? Jamais non plus. Bon, verbalement, on s'en moque un peu puisque ça ne vaut rien, mais il n'y a absolument aucun écrit. Donc, quand vous les appelez en leur disant « donnez-moi mes sous », qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils me répondent à chaque fois que ça va venir, qu'ils ont des problèmes de rentrée d'argent sur des chantiers, qu'ils ont des problèmes de numérage de chantier puisqu'ils n'ont pas les ordres, que je m'inquiète pas, que ça va venir, mais ça fait un an, il se passe rien. Est-ce que vous avez pu vous renseigner un peu sur la boîte? Est-ce qu'elle aurait des problèmes? Alors, je sais que cette société a été en redressement judiciaire il y a quelques temps. Il se pourrait, mais je suis sûr de rien, qu'elle soit sur un plan de continuation. Mais voilà, c'est j'en sais pas plus que ça. Maître Fellonneau, votre analyse juridique et nous lançons l'appel. Alors, il est exact que cette société a une grosse dette via à l'égard d'Éric. Ce ne sont pas des choses qui ne peuvent pas être bien faites, étant donné que lui, il vend des objets publicitaires. Il a vendu des casquettes, des bonnets, des t-shirts, des choses comme ça, au logo de cette entreprise. Et cette entreprise, effectivement, elle a été en redressement judiciaire en 2010, mais elle a eu le bénéfice d'un plan de continuation, vous savez, qui permet de continuer l'activité. Cela dit, une société comme ça, si de nouveau elle se retrouve dans l'impossibilité de payer ses dettes, eh bien ça peut, ça peut se terminer mal pour elle. Qui avons-nous, Charlotte? La société ScamTP. Bonjour ScamTP. Bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il serait possible d'avoir monsieur Albert ou quelqu'un concernant un impayé pour un de vos fournisseurs, la société 3T Sport 522, non 3T Sport tout court? Non, c'est pas possible du tout là, parce que monsieur Albert est à l'extérieur. Bon, est-ce que vous pouvez lui envoyer? Alors, est-ce que monsieur Bergot est là? Ne quittez pas. Merci. Société, vous m'avez dit. Alors, moi je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Et Eric, votre société s'appelle? 3T Sport. 3T Sport. On lui doit 7046 euros apparemment. D'accord? Ah, ça vous fait rire. On me l'a jamais fait celle-là. Ah, c'est pas, madame, c'est pas du tout une blague. Mettez un petit jingle RTL à la dame. Ah ben on a monsieur Bergot qui est en ligne sur une autre ligne, vous allez voir. Monsieur Bergot, vous m'entendez? Oui. Bonjour monsieur Bergot, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur Bergot, je suis avec Éric Tirard de la société 3T Sport. Oui. Apparemment il aurait un impayé qui commence à lui faire un petit peu mal, qui est de 7046 euros. Oui. Il vous a livré plein de choses, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez rappeler la commande à ce monsieur Éric? Alors oui, il y a eu des panneaux de chantier, il y a eu des couteaux, des bonnets, des bâches, donc différents produits. Vous m'entendez, monsieur Bergot? Oui, oui, mais voilà. Après, je ne suis pas le PDG de l'entreprise. Alors, non, mais juste... Je suis simple salarié, moi. Ah ben, je vous demande pas de payer, monsieur Bergot, je veux juste savoir, il veut juste savoir ce qui se passe. Ben, juste savoir ce qui se passe, c'est que l'entreprise a des difficultés de trésorerie qui sont liées à des clients de marché public. D'accord. Bon, donc là, aujourd'hui, vous n'avez pas la trésorerie pour le payer? Pour l'instant, ce qui a été proposé par une personne du service juridique de chez nous, c'est un échéancier. Éric, voilà. Vous avez eu un échéancier? Il n'a rien eu du tout, lui. Rien. Il n'a aucune nouvelle de personne. Ben, normalement, c'est Madame Ville qui s'était occupée de ça. Bon, alors on va peut-être essayer de l'appeler. Vous dites qu'elle s'appelle Madame? Madame Dib. Dib, d'accord. Bon, Dib. On va essayer de joindre Madame Dib. Si vous pouviez envoyer un petit texto vous-même au président, je crois que c'est Georges Albert. C'est ça, c'est si ça. Parce que moi, je suis salarié, je ne suis pas actionnaire de l'entreprise. J'ai bien compris, monsieur. Je le sais très bien. Mais vous comprenez bien que... Je suis simple salarié. Celui qui a la même mise totale sur l'entreprise, c'est le PDG. Oui, sauf que monsieur, vous comprenez bien que tous les clients ne peuvent pas appeler le président. Ils appellent leur interlocuteur. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Non, si vous pouviez envoyer un petit texto à Georges Albert, ça serait magnifique. Et nous, on essaie d'avoir Madame Dib pendant ce temps-là. Apparemment, Charlotte, vous auriez en ligne. Merci, monsieur. Alors, je suis toujours avec la secrétaire et elle me dit, je crois avoir compris qu'elle est en maladie, Madame Dib. Ah, d'accord, oui, ça je sais pas. Elle sera là lundi. Bon, alors vous envoyez un petit texto à monsieur Albert, s'il vous plaît, madame.

Auchan. Offre disponible jusqu'à mardi, valable sur les produits Méga Fête Surprise 800 grammes, Pic 720 grammes et Dragibus 960 grammes. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, avec la carte Confo Plus, Conforama vous reverse 15% sur l'achat d'une nouvelle cuisine. 15% sur votre cagnotte. Encore une très bonne raison d'avoir la carte Confo Plus. Conforama, jusqu'au 4 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Donc nous attaquons maintenant le deuxième cas, c'est celui d'Ernesto qui je crois est en ligne avec nous. Ernesto, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe, aux éditeurs. Ernesto, je trouve que pour un mort, vous la ramenez beaucoup. Vous le dites tout de suite. Vrai. Alors s'il vous plaît, mollo. Ernesto, mollo. Racontez quand même aux auditeurs d'RTL votre mésaventure. Eh bien, j'ai émigré au Portugal et donc j'ai fait ma demande de virement de ma caisse de retraite vers le Portugal et je suis décédé le jour de ma demande. Très bien. Alors, c'est-à-dire que vous étiez en France, vous avez décidé d'aller couler de beaux jours au soleil. Peut-être que c'est vos origines là-bas aussi, Ernesto ? Oui, oui, c'est voilà. Mes origines. Donc, suis dans mon village d'origine. Votre retraite doit être versée là-bas et tout d'un coup, vous ne la touchez plus parce qu'ils ont considéré qu'en déménageant, en fait, on lui a dit « Je te préviens, Ernesto !» Pour moi, si tu quittes la France, tu es mort. Et donc maintenant, on ne lui donne plus rien. Alors quand vous les appelez en leur disant « Je suis vivant », que vous disent-ils ? Eh bien, je leur ai envoyé deux recommandés avec la preuve de que j'étais vivant. Et la première fois, donc, ils m'ont donné une mauvaise adresse. Je l'ai renvoyé. Et là, ils m'ont dit, il faut attendre 2 semaines, puis 3, puis 4, et puis là, je suis toujours décédé, quoi. Depuis combien mais de... je ne suis pas décédé pour les impôts. Hein. Ah non, les impôts, mais les impôts, eux, c'est pas pareil. Jamais. Les impôts, eux, ils aiment tout le monde, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant. L'avantage avec eux, c'est que ça n'arrive jamais. Ça fait combien de temps que vous attendez maintenant ? Eh bien, je ne touche plus depuis le mois de juillet, quoi. Alors, comment fait-on quand on ne touche pas sa retraite, Ernesto ? Eh bien, j'ai ma sœur qui m'aide. Et puis on a la retraite de mon épouse quand même. Non mais c'est de la folie quand même, Maître Felono. Parce que quand quelqu'un vous appelle en vous disant « j'ai pas ma retraite », vous me dites que je suis mort, que vous voyez qu'il est en ligne, je sais pas, il y a une petite réunion tout de suite, les gars, il y a un monsieur, il a plus sa retraite, c'est quand même très bizarre. Mais non, c'est des mois. Et comment fait-on ? Il a de la chance d'avoir son épouse, mais s'il était soit veuf, soit célibataire, s'il n'avait rien et s'il n'avait pas de famille, il serait obligé d'aller faire la manche, monsieur. Non mais exactement, donc il se retrouve dans une situation d'indigence alors qu'il a travaillé toute sa vie, qu'il a déjà perçu cette retraite, c'est qu'une question de déménagement. Mais moi, ce qui me choque dans ce dossier, c'est presque l'impertinence ou le mensonge, encore une fois, de cette caisse de retraite qui, le 5 juin, lui dit « Le paiement sera rétabli dès réception de l'attestation d'existence. » Ils l'ont depuis juin. Et depuis juin, c'est silence radio. C'est une attestation remplie par la mairie du village où il est. Tout est en règle. Je ne vois pas ce qui empêche le paiement. Il faut vraiment l'obtenir aujourd'hui. Attendez. C'est urgent. Oui, Ernesto. Oui, la première fois qu'ils l'ont su, c'est vrai, ils l'ont reçu en recommandé, je suis l'accusé, mais ils m'avaient donné une mauvaise adresse. D'accord. Ok, vous inquiétez pas, Ernesto, on les appelle dans une seconde. Et vous savez ce que je vais leur dire, Ernesto ? Que je suis toujours mort. Non. Quand la dame va décrocher, je n'hésiterai pas, parce que je ne me dégonfle jamais, Ernesto, je lui dirai... Et ça, ils vont le comprendre, Ernesto. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. J'espère bien. Bon, eh ben très bien. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Parce que cette chanson. Là ici, mais c'est tout en haut, il y a, et puis tout en bas, il y a. Dis donc, vous êtes des coquins, les Portugais. Dans une seconde, vous me direz ce qu'il y a tout en bas. Ça m'intéresse. À tout de suite sur RTL. Pardon, qu'est-ce qui se passe ? Ah bon, on me dit qu'on peut continuer. Ben très bien. Alors moi, je veux bien qu'on continue. On appelle la CNAF, qui est un organisme français, mais qui s'occupe des gens partis vivre au Portugal. La CNAF. Non, c'est une plaisanterie, Ernesto. Laissez tomber. Si vous reprenez tout ce que je dis, Ernesto, je dis tellement de bêtises que vous n'avancez plus. Non, mais j'aime bien. Je ne dis pas que vous n'aimez pas. Je vous dis que la CNAF, ça n'existe pas, c'est tout. En revanche, la CNAF lui a fait une drôle de blague parce qu'elle lui a envoyé une enveloppe pré-remplie pour qu'il renvoie son attestation. Mais c'était une mauvaise adresse, ils avaient déménagé entre-temps à la CNAF. Ah. Elle n'est pas belle aussi, celle-là, pour retarder le traitement des dossiers. Et si, regardez, on est tous morts de rire. Mais non, je plaisante, maître Felono. C'est vendredi. Si on ne peut pas se chambrao, autant ne rien dire. Alors, nous sommes en communication avec Charlotte, s'il vous plaît, la CNAF. Avec la CNAF, oui, c'est un numéro unique, un national. Bon, donc je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que nous appelons la CNAF pour expliquer qu'Ernesto, qui est en ligne avec nous, n'est pas mort. Donc, ça ne sert à rien d'organiser des funérailles ou des choses comme ça serait de l'argent jeté en l'air. Il est bien vivant et il attend sa retraite. Point info, il est 9h54, vous êtes sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré il y a quelques instants avec le cas d'Éric. Il dirige une société de logos et de pubs, une société lui doit 7046 euros. Nous avons eu des tas d'interlocuteurs chez Scam TP. Où en est-on, Bernard Sabat? Écoutez, on attend que M. Georges Albert, le président du groupe, nous rappelle avant 11h, Julien, car il détient des informations intéressantes pour aider notre ami Éric. Ernesto, à l'instant. Il est sans retraite depuis juillet. Pour toucher son argent, l'administration lui demande de prouver qu'il est bien en vie. Nous sommes toujours en ligne avec la CNAV. Est-ce que ça peut bouger, Charlotte, d'une minute à l'autre? Oui, alors le souci, ce que je suis en train de demander à Ernesto, c'est son dernier lieu de travail en France parce qu'ils ont besoin du numéro de département. 94, vient de vous dire Ernesto. C'est parfait. Dans une seconde, il y aura la grande farandole des cas qui ont bloqué. Et nous démarrerons par quoi, Céline? Avec Carla, elle est passée hier dans le 9h30-11h. Elle a acheté sa voiture 5 500 € à un professionnel et le compteur de kilomètres semblait être revu à la baisse au moment de la vente. Et je vous rappelle qu'il y a toujours notre cagnotte pour le petit Napo. Napo est la nouvelle mascotte de l'émission et nous aurions Paul Charles qui est en ligne avec nous. C'est le président de la Fédération Française des Associations de Chiens d'Aveugles. Bonjour Paul. Bonjour Julien. Alors, je ne sais plus très bien à combien nous en sommes, mais nous avançons bien. Je crois qu'on est dépassant 17 000 déjà ce heure-ci, non? Voilà, on a dépassé les 17 000, donc c'est fantastique. Comment va le petit Napo? Oh, le petit Napo, il progresse, il est à l'école, il est intelligent, il est studieux. Bon. Il est prêt à rendre les services à son futur maître. Et on rappelle, une nouvelle fois, c'est pour ça que je vous reprends, qu'au-delà de le guider, de l'empêcher de tomber dans un trou, etc., c'est une compagnie, c'est vraiment comme un frère, hein, ce chien. C'est plus qu'un frère, c'est son ombre, des moments, j'ose dire. Ouais. Et ces chiens, c'est incroyable l'amour qu'ils donnent, parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent la situation. Mais si vous voulez, ils lisent, si vous voulez, dans les yeux inactifs de leur maître, mais ils lisent quand même. Ils sont là, attentifs à tous les gestes, pour qu'ils les préservent dans toutes les situations possibles, inimaginables, qu'ils puissent rencontrer dans leur vie. Bon, écoutez, j'aurai peut-être encore une bonne nouvelle un petit peu plus tard, Monsieur Charles, si vous êtes près de votre téléphone. D'accord, pour l'instant, nous pas en sommes. Pas de problème, Julien, si... Nous en sommes à 16 947 euros, donc il nous faut aller à 25 000 pour que le petit Napo puisse aider une personne. Et je le redis à tous ceux qui donnent 1 ou 2 euros, au-delà du don de 2 euros, c'est de dire, voilà, c'est ma façon de dire, protégeons les chiens, aimons les chiens parce qu'ils donnent leur vie pour leur maître. La cagnotte. Eh bien, il faut aller sur la cagnotte Litchi et le titre, c'est « Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL ». À tout à l'heure, Monsieur le Président. À tout à l'heure, Julien. Merci. Je voudrais donner 200 euros, Julien. Ah, bah, c'est vrai ? Oui, je vous promets. Sincèrement, ça me touche. Et je présente mes excuses à celui qui s'est fait piquer 200 euros tout à l'heure. Merci Bernard, ça a donné du cœur, Julien. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Morgane dit au directeur du magasin. Ah, écoutez, je suis lessivée. Oh bah alors, vous avez 40% de remise immédiate sur la lessive liquide Pods Ariel à 12,29€, soit 7,37€ la boîte de 36 doses. Et jusqu'à demain, 20% en plus en Eurocarte U. Oh bah c'est propre ça. C'est nickel, alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à demain dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 7,58€ le kilo. U. Commerçons autrement. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Salut, c'est Pierre Perret. Souvenez-vous de vos moments de bonheur, de vos plus belles rencontres, de vos plus grands fous rires, des jours heureux qui ont marqué votre vie. Ce bonheur, pourquoi un jour le laisser disparaître? Pourquoi ne pas le partager? En faisant un legs au Secours Populaire, vous transmettrez ce bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. Legs, donation, assurance vie, 01 44 78 22 37 ou secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Gilles, son expertise, c'est la plomberie. Installer une douche, un chauffe-eau solaire, pas de problème. Mais pour calculer les charges de ses salariés, leur proposer des formations adaptées ou trouver un remplaçant au pied levé, là, Gilles n'est pas contre un coup de main. Heureusement, comme tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment adhérents, il peut compter sur la CAPEB pour le conseiller, l'aider à développer son activité. Eh oui, chacun son truc. Rejoignez la CAPEB sur capeb.fr ou au 09 70 835 836, coup d'un appel local. CAPEB, vous conseiller, vous accompagner, vous défendre. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant!